Celle qui m'a les lois et ça va puissance absolue parce que. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh, tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez vos disons pour danser, prenez vos disons pour bouger. Viens quand t'as bien à vous danser. Ma chérie, je t'emmène là-bas. Avec toi, je fais la malin. Différent des autres, faut pas mélanger. Négro puissant, négro capa. Toujours les collants, toujours les collants. La sali bongo, je fais la mélange. Tout est sous contrôle, faut pas paniquer. Ma beauté devant tes yeux, voilà tout ce que tu désirais. Quand je parle, faut me croire, bébé, non, bébé, va pas échouer. Calé, c'est bouclé, là, je suis dans la zone, personne va m'arrêter. Voilà. Billets multicolores, t'en ferai voir de toutes les couleurs. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh, tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez vos disons pour danser, prenez vos disons pour bouger. Viens quand t'as bien à vous danser. J'ai perdu mon bébé, oh. J'ai perdu mon bébé, oh. Dès qu'elle m'appelle en vidéo, elle m'appelle en vidéo. Mais j'ai même plus son numéro, yeah. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as plus d'appétit, oh. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as plus d'appétit, oh. Ouvre-moi la porte, faut que ton papa m'adopte. Ouvre-moi la porte, Libanga pour la date. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh, tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez vos disons pour danser, prenez vos disons pour bouger. Y'a qu'à ta bine à vous danser. Nouveau point, l'accident. Assos Barbus. Le boss parfait viseur, Emma Loessa, Kony Touré, Fabrice Aouignon, Maswell Corny, Serge Aurier, Stony Le Vrai, Gustavo Champion, Cardinal Poe Cross.